le revolver était sur la table boiteuse à portée de sa main. Maintenant, il n'avait plus de hâte. Il était certain que personne ne viendrait et qu'il se tuerait à sa guise. Il songeait et se disait qu'il se retrouvait au même point que jadis, ramené au même lieu, dans la même volonté du suicide. Un soir déjà, à cette place, il avait voulu se casser la tête. Il était trop pauvre alors pour acheter un pistolet. Il n'avait que le pavé de la rue. Mais la mort était quand même au bout. Ainsi, dans l'existence, il n'y avait donc que la mort qui ne trompa pas, qui surmonta toujours sûre et toujours prête. Il ne connaissait qu'elle de solide. Il avait beau chercher, tout s'était continuellement effondré sous lui. La mort seule restait une certitude. Et il éprouva le regret d'avoir vécu 10 ans de trop. L'expérience qu'il avait faite de la vie, en montant à la fortune au pouvoir, lui paraissait puérile. À quoi bon cette dépendance de volonté? À quoi bon tant de force produite, puisque décidément, la volonté et la force n'étaient pas tout? Il avait suffi d'une passion pour le détruire. Il s'était pris sottement à aimer Flavie, et le monument qu'il bâtissait craquait, s'écroulait, comme un château de cartes emporté par la laine d'un enfant. C'était misérable, cela ressemblait à la punition d'un écolier maraudeur sous lequel la branche casse et qui périt par où il a pêché. La vie était bête, les hommes supérieurs y finissaient aussi platement que les imbéciles. Nantas avait pris des revolvers sur la table et l'armait lentement. Un dernier regret le fit mollir une seconde, à ce moment suprême. Que de grandes choses il aurait réalisées si Flavie l'avait compris. Le jour où elle se serait jetée à son cou en lui disant « Je t'aime », ce jour-là, il aurait trouvé un levier pour soulever le monde. Et sa dernière pensée était un grand dédain de la force, puisque la force qui devait tout lui donner n'avait pu lui donner Flavie. Il leva son arme. La matinée était superbe. Par la fenêtre grande ouverte, le soleil entrait, mettant un éveil de jeunesse dans la mansarde. Au loin, Paris commençait son labeur de ville géante. Nantas appuya le canon sur sa tempe. Mais la porte s'était violemment ouverte et Flavie entra. D'un geste, elle détourna le coup. La balle alla s'enfoncer dans le plafond. Tous deux se regardaient. Elle était si essoufflée, si étranglée, qu'elle ne pouvait parler. Enfin, tutoyant Nantas pour la première fois, elle trouva le mot qui l'attendait, le seul mot qui put le décider à vivre. « Je t'aime !» cria-t-elle à son cou, sanglotante, arrachant cet aveu à son orgueil, à tout son être dompté. « Je t'aime, parce que tu es fort !»